Fou 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Reiki. Catherine Langlois sera des nôtres pour une autre chronique du club plein air UQTR. Et on aura pleinement l'air d'avoir appris quelque chose après avoir écouté, c'est un fait. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 2 novembre 2015, 176 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania Baudin. Ça va bien? Ça va toi? Ça va très bien. Passez une belle fin de semaine. Ben oui. Cool. C'est la fin de semaine de l'Halloween. C'est vrai, oui, t'étais déguisé en... Cléopâtre. Ouais. Quelque chose de doré. Exactement. On aime ça, t'es comme très très à la mode, hein. C'est tendance le doré. Là. Ah, je sais pas. T'aurais dû être rose doré, c'est ça la trend. Ouais. Mais je suis désolée, moi, je voulais rester juste en vert Cléopâtre. C'est ça. L'année prochaine, tu déguiseras en iPhone 6S plus rose doré. En fait, j'ai déjà pensé à mon costume pour l'année prochaine. Ah, pour vrai? Ouais. Spoiler alert. Je commence à y penser, là. C'est quoi, passe un an à penser à mon costume d'Halloween. Mais t'es à l'avant-garde, hein? Mais ça tente vers le Hermione Granger ou encore... un classique de ma vie, ce rapport avec les courses. Je sais pas, quelqu'un qui lève le drapeau karaté. Hein? Ah non, pas ça là quand même. En damier? Non. Non. Bref, c'est cool ça, l'Halloween est passé, on va pouvoir passer à autre chose. T'aimes pas ça l'Halloween? Non, j'aime bien, mais c'est qu'on en parle pendant tout le mois d'octobre et dès le 1er novembre, on parle de Noël pendant 2 mois. Ah ça c'est vrai. Dans pas long, on devrait commencer à entendre la musique de Noël dans les centres commerciaux. Partout sauf assez fou. Oui. Hein? Bon, c'est mais ça dépend, on pourrait avoir des versions vraiment gore de vos classiques de Noël. On pourrait, j'imagine que tu vas nous faire des chroniques de Noël dans Tania is gonna entertain you. Peut-être à partir d'aujourd'hui, non. Non, pas quand même. Ma mère m'a proposé des affaires, tu sais, comme par rapport à la neige puis tout ça, pour l'émission d'aujourd'hui, parce qu'hier, je savais pas trop quoi de parler. Là, j'ai dit, on est le 1er novembre. Puis aujourd'hui, il fait très soleil. On se cale. C'est ça, tu nous parles de découvertes musicales aujourd'hui. Oui, exactement. Tu sais que j'ai plusieurs applications... pour découvrir de la musique, dont YouTube, Spotify, 8-Tracks. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, en fait, quelques artistes que j'ai découverts sur ces petites applications. Juste mentionné. Hein? Oui. Oui. aussi dans l'émission d'aujourd'hui, à 9h, Catherine Langlois, notre chroniqueuse plein air du Club plein air UQTR, va être avec nous à 9h pour parler de notre sujet d'extérieur. Notre classique du lundi, c'est un fait, donc on va faire ça dans quelques instants. Et aussi, on ramène son foutu palmarès, la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, on va retourner pour la dernière demi-année de calendrier. Oh! En célébrant des fêtes hétéroclites. Ouais, j'ai jeté un petit coup d'œil tout à l'heure. T'es un petit peu curieuse, toi? Oui. Pas pour laisser aller les punchs à la radio, faut que tu regardes à l'avance. Mais non, mais là, c'est parce que je co-anime, ben si oui. Tu veux des... Hein? Hein? C'est ça. On va se le dire. C'est ça. Mettez la première page. Donc, c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui. On va commencer ça avec C'est un fait tout à l'heure. Mais avant, on écoute une pièce du groupe Les Hôtesses d'Hilaire. Oui, bien, c'est une nouvelle entrée au palmarès C'est fou francophone. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va les faire découvrir à notre auditoire. Puisqu'on anime aussi les palmarès, c'est fou pour ceux qui ne savent pas. Les mardis après-midi. Et voilà. Alors, c'est les Hôtesses d'Hilaire avec la pièce « Regarde-moi ». Ben, regarde-moi peser sur le bouton play. Ouh. 89 FM, c'est Assemblage Reiki. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi

Ils sont payés en gâterie, en bonbons à chien, et en flattage en dessous du bedon. Hein? Mmh. Ils sont parmi les employés les plus appréciés dans les cartes de commentaires des invités. Donc, on les voit avec leur petite pancarte de nom là, qu'on a sur un bureau, des fois, avec le nom concierge, parce qu'en anglais, tu sais, concierge, ça veut pas dire le coup de passe le balai. Ça, c'est concierge. ça a tellement plus de classe dire concierge que concierge. Ouais, c'est sûr. C'est comme, en anglais, maître d'. Mm-hmm. Le maître de l'hôtel, là, la personne qui est en charge de tout. Maître D, c'est tellement beau, avec un D apostrophe. Juste un mot, le mot, c'est D apostrophe. Ouais. Pourquoi? C'est comme ça, c'est... C'est un raccourci, tu sais. C'est ça. T'enlèves un mot, puis on comprend quand même. Hein? Mm-hmm. Étant donné que le sirop d'érable n'est pas toujours joli à la caméra lorsqu'on fait une publicité, il y a beaucoup d'agences publicitaires qui vont remplacer ça avec de l'huile à moteur dans les pubs. Ah! Donc, mettons, t'imagines une pile de crêpes avec, Aunt Jemima. Ouais. C'est de l'huile à moteur, peut-être. Ugh. C'est quelque chose, hein? Ouais. D'autres techniques pour rendre la nourriture plus délicieuse, tiens, la colle. Parce que du vrai lait, ça fait que les céréales deviennent toutes molles et pas très appétissantes. Donc, de la colle blanche, du yogourt ou du shampoing sont utilisés des fois pour jouer le rôle du lait. J'espère que c'est pas pendant que la personne prend une bouchée. La cuillère à un centimètre de la bouche. C'est dégoûtant. Ensuite, du spray net et du désodorisant en spray. Envoyer sur les raisins une bonne couche de petits sprays à cheveux ou de désodorisant, ça va faire un bel effet mât sur les raisins. Ah. C'est joli, hein? Et puis les serviettes de papier, finalement, on sait quand on verse du sirop sur de la crème glacée, ça glisse directement au fond du bol. On ne voit pas le sirop sur le dessus. Il est tout en train de couler au fond du bol, tu sais. C'est ça. Vrai. Donc, comment est-ce que le sirop peut rester en place? Eh bien, on déchire des bandelettes de papier essuie-tout et on place ça sur la crème glacée, qui est souvent plus du shortening et non pas de la crème glacée en tant que telle dans les publicités. Bon. Et les serviettes de papier, on leur envoie dessus le sirop et ça reste en place. Donc, tu comprends que... c'est du shortening avec du papier d'essuie-tout par-dessus et le sirop. Donc finalement, toutes les publicités qu'on voit sont des mensonges. Tellement, mais en même temps, c'est efficace, ça donne faim. Oui. Puis ils savent ce qu'ils font là, avec ces produits-là, ça veut dire qu'ils en ont essayé vraiment beaucoup. Là. Ben, je te dirais que la colle me donne vraiment pas le goût d'en manger. Non. Puis l'huile à moteur non plus, mais... Mais... non. Ça fait comme un épisode de Mon étrange dépendance. Oui, en les effet. Les gens mangent n'importe quoi. Il y a une fille quoi. Qui mangeait des... qui buvait des gallons d'essence il y a pas longtemps. C'est pareil. C'est le pareil. Le personnage dans Titanic qui boit d'une flasque et qui attend que le bateau coule dans l'océan avec Jack et Rose est basé sur une vraie personne qui a vraiment fait ça. Il a survécu et il a remercié l'alcool d'avoir survécu. Parce qu'il y avait chaud. Ah, ça, je sais pas si c'est parce qu'il y avait chaud. Mais sûrement, dans le film, il y avait chaud. Peut-être qu'il était sous, fait que c'est justement ça qui a fait en sorte qu'il n'y a pas gelé. Ah, voilà. Son nom, c'est Charles Jogin, ou Jogin, J-O-U-A-G-H-I-N, pardon. Si vous voulez voir plus d'informations sur ce monsieur. Connais-tu l'année Donnie? Non. Non, c'est pas le nouveau prénom de l'année, Anne et Donnie. Ouais, Anne et Donnie. Non, c'est le mot pour le sentiment, l'impression que t'as quand t'arrives pas à trouver la joie dans les choses qui d'habitude t'amènent de la joie. Quelque chose qui te rend heureux habituellement, là, t'es plus capable de te sentir heureux, c'est de l'anédonie. Ou la grippe. Ou la dépression. C'est la mono. C'est ça, la mononucléose. En psychologie, psychiatrie, anédonie, A-N-H-E-D-O-N-I-E, c'est l'inhabilité, l'incapacité à vivre les plaisirs de tes activités que tu trouves absolument amusantes, comme l'exercice, tes passe-temps, les musiques, l'activité sexuelle, les interactions sociales. Donc, plus tôt dans la vie, l'anédonie, on parlait d'expériences qui te donnaient du plaisir, mais plus récemment, dans les nouveaux livres, les nouvelles éditions, on parle du besoin de considérer différents aspects du comportement du plaisir, par exemple la motivation ou le désir de vivre une activité. Donc, c'est l'anédonie motivationnelle. Et comparé au niveau d'activité, au niveau de bonheur que l'activité peut normalement amener, donc ça s'appelle consumatory anhedonia. Et là, je sais pas comment je pourrais le traduire en français. Ouais, non, je sais pas non plus. Plus difficile, c'est ça. Les pièces de théâtre de Shakespeare étaient tellement populaires à l'époque que des copies pirates existaient. Ouh, oui. Tu peux pas lire ça, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais. Tu sais, j'ai étudié en théâtre au secondaire et on nous l'avait déjà dit. C'est quand même fou, là. Est-ce que tu te rappelles comment ça se faisait le piratage de ces pièces de théâtre? Non! C'est que les journalistes allaient à une performance de cette pièce de théâtre-là et écrivaient rapidement tout le texte de la pièce de théâtre en raccourci, un peu comme quelqu'un à la cour, tu sais, qui a des raccourcis pour à peu près chaque affaire, alors qu'on disait le dialogue. Les copies pirates, souvent, avaient des erreurs parce que les journalistes faisaient des erreurs, des fois, des mots qui sonnent pareils, c'est pas exactement la même chose, donc ça a mené à ça, un peu comme les vraies copies pirates dans les cinémas peuvent shaker un peu, c'est vrai. C'est intriguant tout ça. Ensuite, ce qu'on voit sur assemblagerequis.com, il y a comme des petits gifs animés, c'est de la réalité augmentée, faite à partir de dessins qui sont coloriés. Les enfants peuvent colorier les personnages dans un livre à colorier et ils vont pouvoir inspecter leurs travaux, leurs dessins sur leur appareil mobile. Donc, le dessin est détecté et tracké. Donc, il y a un tracking qui se fait. Et le stream vidéo sur le téléphone cellulaire, mettons qu'on s'imagine que le dessin, c'est une pieuvre qui a été dessinée avec des couleurs, mauve et rose, disons, sur une feuille de papier. Mettons. Et quand tu passes ton téléphone cellulaire dessus, ça va faire que le personnage ressort dans l'écran de ton cellulaire, comme la réalité augmentée le fait habituellement. Donc, tu peux vivre ton dessin, si on veut. C'est en 3D. C'est vraiment weird. C'est super texturisé. Mais à quoi est-ce que ça sert? À peut-être donner envie aux enfants de dessiner, je sais pas. On voit ici un éléphant, l'enfant colorie les pantalons en bleu. Et l'éléphant, en réalité augmentée, est vraiment... Ses pantalons se colorent au fur et à mesure. En tout cas. Se colore, je sais pas. Au fur et à mesure. Et lui, l'éléphant est en trois dimensions. Mais j'ai comme vu, là, dans le coin de la page... C'est marqué Disney Research. Oh, Disney Research, en effet, j'avais pas vu ça. Est-ce que ça serait un moyen pour faire des nouveaux bonhommes de films? Peut-être. Est-ce que tu penses qu'il y a une décharge au début du livre de coloriage qui dit genre tous vos personnages nous appartiennent? C'est ça, tout ce qui va être bien fait sera retenu par Disney. Ben peut-être. Un film de Disney fait par les enfants américains, genre, ça serait parfait comme concept. Tout le monde irait voir ça. Là. C'est sûr. Ça serait parfait, ça. Justement, on parle toujours d'éléphants. Oui. Un éléphant qui a complètement fait tomber une porte et un mur d'une maison en Inde, mais immédiatement il a arrêté quand il a entendu un enfant pleurer. Ensuite, l'éléphant a enlevé les débris d'autour de l'enfant en utilisant sa trompe et est retourné à la forêt paisiblement. Il se sentait mal d'avoir fait pleurer l'enfant. Mais apparemment, c'est très intelligent des éléphants. Mais hein, tout à fait. Ensuite, sur l'île de Jindo, en Corée du Sud, la mer se divise en deux parties lors d'une journée qui varie d'année en année, au printemps ou l'été, formant un chemin quand même pas trop large et les gens peuvent marcher dedans jusqu'à la prochaine île. Les personnes qui habitent là font leur festival annuel qui s'appelle le Jindo Miracle Sea Road Festival. Une fois par année, donc à Jindo Island, dans Jeollanam-do, la mer se sépare en deux de façon mystérieuse et se mène à une autre île qui s'appelle Modo. C'est un chemin qui fait 2,4 km de long et jusqu'à 40 mètres de large. C'est qui déjà qui avait réussi à... Séparer les eaux, là. À séparer les eaux. Une femme enceinte, là. C'est peut-être... Tu sais, il a peut-être passé par là. Bah oui! Ah non, mais avoue que pour un scénario de film, ça serait genre l'idée parfaite. J'avoue. Avec qui dans le rôle principal? Marlon Brando, parce que c'est par les eaux. Mais il est mort, Marlon Brando. Fais pas de joke sur un mort, hein? Non, je fais pas de joke sur un mort. Ensuite, il y a une ville en Espagne avec une population de seulement 2 personnes. C'est un couple de personnes âgées qui vivaient depuis 30 ans entouré de maisons abandonnées. Hein? Oui, je te jure. OK. La Estrella, c'est un village de 24 km de Mosqueruela. Hein? Mm-hmm. Ouf. Et à la même distance aussi de Villafranca. Oui, ton espagnol est à point. Merci, absolument. Donc, ça dit que le chemin pour s'y rendre, c'est de la terre. C'est très, très bossé, si on veut. C'est presque impossible de s'en 4x4 et des bottes de promenade. À partir de d'autres endroits, c'est quand même bien asphalté, mais les routes sont très, très minces. Et puis, c'est rempli de courbes et de zigzags. Depuis les 30 dernières années, seulement deux personnes ont vécu dans ce village-là. Martin, 79 ans, de Sinforosa. Sinforosa, ça c'est le nom de sa femme. 82 ans. Comme colocataire, ils ont 25 chats. OK. 3 chiens. 4 coqs. 4, non, c'est poules. Coq, je crois. Coq. Rooster, c'est coq, non? Hens, c'est quoi? Bref, ils ont des abeilles aussi et ils avaient 22 chevaux jusqu'à il y a 8 ans. On sait pas ce que ça veut dire, peut-être qu'ils ont mangé. Peut-être. On n'a aucune idée. Voilà. Ensuite. C'est des poules. Des poules, ben, je l'avais dit. C'est exactement ce que j'avais dit. Des micro-maisons, Tania, micro-homes, avec un loft, une cuisine et une chambre à coucher sont construits pour accueillir les personnes qui sont sans abri. C'est par un groupe de gars de la fraternité Phi Kappa Psi de l'Université d'Alabama à Huntsville. Ça prend environ 5 000 $ pour construire une de ces maisons de 500 pieds carrés, micro-maisons. La fraternité espère ramasser de l'argent pour en construire autant que possible, autant qu'ils pourraient en fabriquer. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Aux États-Unis, les fraternités, c'est si populaire que ça. Puis ici, tu sais, on a plusieurs universités, mais on n'a pas... Tu sais, on n'entend pas justement des histoires de fraternité. Non, absolument pas. Mais dans les films, c'est connu. Les fraternités, c'est plutôt des douchebags. Puis les c'est quoi les fraternités de filles? C'est les... Les capas. Sororités, ouais. Ouais, sororités. Qui là sont tout le temps les genres de cheerleaders prétentieux, snobs, avec le nez scotch tapé au front. Ben oui, comme l'émission là, qui a sorti il y a pas long, qui s'appelle Scream Queens. Tu vois. Une nouvelle émission qui parodie les films d'horreur, un peu. C'est très drôle. C'est très sororité, là-dedans. C'est très sororité, là. Ça se passe dans une sororité. On voit l'importance, un peu, des sororités puis de ce qui se passe dans les maisons aussi. C'est bizarre comme monde. Bizarre. Oui, mais je comprends pas pourquoi on n'a pas ça ici. C'est peut-être mieux de même. Ben, peut-être. Parce que c'est très, très des clubs sélects avec des initiations, puis tout ça, c'est... Oui, mais peut-être que, tu sais, juste si on prend ici le UQTR, peut-être que le lien de fraternité, justement, serait un petit peu plus aiguisé. Peut-être, c'est ça. Il y a peut-être plus de monde au game de hockey. Oh, voilà, c'est dit. Ensuite, dans une mine de sel de 1000 pieds de profondeur en Ukraine, on utilise ça pour traiter des problèmes respiratoires. On appelle ça de la spéléothérapie. C'est une science donc qui étudie les caves. C'est en hommage à ça, l'étude qui étudie les caves de la spéléologie, on se comprend là-dessus. Donc la spéléothérapie, c'est un peu la même chose, mais en thérapie. On dit que dans les années 50, en Pologne, on a découvert que les mineurs avaient moins de chances d'avoir des maladies respiratoires. Donc, s'ils travaillaient dans des mines, donc on a commencé à enquêter sur les effets des caves, particulièrement les caves de sel. Intriguant quand même. 300 mètres, à 300 mètres de profondeur, la température reste presque la même à l'année longue, 22 degrés Celsius. Pendant des décennies, les hôpitaux envoyaient des patients, dont ceux qui souffraient d'asthme, d'allergies d'été, si on veut, plus bronchique. Ouais, bronchique. Exactement. Donc, pour passer du temps dans le noir, dans l'humidité, dans ces galeries de mines où le sel est partout. Donc, ça, on utilise ça comme décongestionnant et ça a des capacités à guérir les maladies. Mais c'est fou, je pensais pas. Au contraire, contraire, j'allais penser que t'allais bien plus avoir des difficultés à... Comme de l'asbestos, t'as de la misère à respirer là. Tout à fait d'accord. T'as-tu déjà visité des grottes, Mathieu? Absolument pas. Jamais? Non, jamais. J'ai fait ça une fois quand j'étais très petite. Où ça? Je pense que c'était là, à l'asbestos, mais je suis vraiment pas certaine. Puis c'était fou, je me souviens quand même d'avoir visité, mais j'étais très jeune. C'est un beau souvenir. Cool. C'est hâte à faire. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Ouais, c'est une belle activité. Ouais. Les coquerelles. Les coquerelles sont, tu vas être surprise de l'entendre, répugnées par les humains. Et si les coquerelles se font toucher par un humain, non seulement est-ce qu'elles vont s'enfuir, mais elles vont se laver. Comment ils font pour se laver? J'imagine qu'ils se lèchent les pattes puis ils se passent ça dans les poils. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, on s'entend, là, t'as une carapace à la tête, puis... Ouais. Cherche sur YouTube, genre coquerelles qui se lavent, juste pour le fun, si t'aimes ça. mais ça me surprend quand même que ce soit les coquerelles qui soient répugnées par nous et non pas. Ben, le contraire est vrai aussi. La légende des bandes dessinées, tu connais peut-être Stan Lee, c'est celui de Marvel Comics, le vieux monsieur qui est dans chacun de ses films, qui fait toute une petite apparition spéciale. Donc Stan Lee dit que son super pouvoir préféré, c'est la chance. Parce que si t'es chanceux, tout ce que tu veux faire, tu vas réussir à l'accomplir. La chance serait le plus grand pouvoir du monde, dit-il. Ouh! J'ai un vidéo qui dit en fait qu'ils passent leur temps à se laver. Ah bon. Ils sont vraiment pas hypochondriaques, mais germophobes. Ouais. Peut-être. Puis il est comme couché sur le côté puis il se liche la patte. Ah, ça pourrait être la mascotte du Purel. Une coquerelle. Ah, ça pourrait. Coq Purel. il y a 4 ans, un homme de 71 ans nommé Yao Pereira de Sosa s'est occupé d'un pingouin. Il l'a ramené à la santé, hein, il l'a sauvé complètement, et maintenant l'oiseau va voyager 2000 milles de distance à chaque mois pour venir visiter la personne qui s'est occupée de lui, Monsieur Pereira de Sousa. C'est un ancien briqueteur, qu'on dit briqueteur, celui qui s'occupe de mettre des briques. Hein, oui, un briqueteur. Briqueteur, ça. Donc le pingouin disparaît dans la mer pendant plusieurs jours, même plusieurs mois, et il revient à l'endroit où Monsieur de Sousa élève ses poulets près de la plage, dans un village de 1300 résidents, sur l'île de Ilha Grande. Et puis pendant sa visite... Les deux se promènent sur la plage, le monsieur et le pingouin. Ils vont nager ensemble, ils vont faire une conversation en pidgin pinguinese. C'est la langue qui se sont inventée. C'est le langage de pingouin. C'est ça, exactement. C'est cute, hein? C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon, on s'en peut plus. Wow, ça a quasiment l'air sarcastique. Est-ce qu'on a fait un film là-dessus? Ça va venir, ça va venir. Si tu meurs à Amsterdam... C'est sûr. C'est sûr. Hey, il y en a qui apprennent aux baleines à nager. T'sais. Penses-tu pas qu'ils vont pas faire un film avec le gars qui apprend aux pingouins à parler? J'ai hâte de voir ça. Malade, s'ils le font pas, on devrait avoir les droits. Et le titre sera de Disney, ton pingouin quotidien. Comme un pain quotidien. Si tu meurs à Amsterdam et que t'as pas de personne proche de toi, donc une personne qui est reliée à toi par le sang, ce qu'on appelle en anglais next of kin, mais y a pas vraiment d'équivalent en français de ça, mais bon, ouais. La personne qui est le plus proche de toi côté familial, un poète va écrire un poème à ton sujet et va le réciter à ta funéraille. Ça a commencé à Amsterdam, c'est maintenant aussi fait dans des villes hollandaises comme Utrecht, Den Haag, Rotterdam et la ville belge de Antwerpen. C'est fait par des bénévoles, chacune de ces villes-là, ce qu'on appelle des poets on duty, donc des poètes au travail, c'est si on veut. C'est cool! Oui, et certains des poètes comme Nitlie Mariamin, Judith Herzberg, Bart Chabot et Eva Gerlach sont des poètes bien connus aux Pays-Bas. Et à part les poèmes, les bénévoles vont choisir, les bénévoles volontaires, si on veut, vont choisir trois morceaux de musique qui vont être joués lors des funérailles. On est la capitale mondiale de la poésie, puis on n'a même pas ça. Tu parles d'une gang d'ingrats, hein? Hey, moi, je mets au défi un poète qui nous écoute peut-être, là. C'est comme, on sait jamais. Poète. De faire ça. oui, j'embarque là-dedans, à 100%. Ouais. Ouais. T'sais, on dit pas qu'on va vous verser un cachet, on dit juste que ça serait vraiment gentil. C'est supposé être pour la bonne cause. Et voilà. Ne demandez pas de l'argent, sinon... Bonne cause. Bonne cause. comme expérience, la police du Massachusetts a placé des découpages en carton de policiers. Donc, on se comprend les grandes affiches, pas affiches, mais genre en gros carton épais. Près de deux racks à vélo à Cambridge, au Massachusetts, le vol de vélo a descendu de 67% en un mois. Mais c'est parce que j'imagine que si tu le vois juste de loin, t'as vraiment l'impression que c'est une vraie personne. Tu t'approcheras même pas. Donc, tu t'approches pas, en effet. C'est une question psychologique. Ça s'appelle Cardboard Cop. Comme cardboard. Mm-hmm. Je suis pas sûr que je suis d'accord avec ce jeu de mots-là. Mais bon, c'est une question de conscience, voilà. C'est, ouais. Ouais, mais je suis vraiment pas d'accord avec cardboard. Puis t'enlèves le ARD, c'est même pas un jeu de mots. C'est coppered board au pire. Ouais, mais t'aurais appelé ça quoi? Card cup? Coppered board. Ouais. Cool. En vrai, le panda... Tu l'as réécrire. Ouais. Le panda géant. Le panda géant. Oui. D'accord. Tout l'équipement nécessaire dans son corps pour une diète basée sur la viande, mais il a perdu, ils ont perdu, si on veut, un gène pour les récepteurs de l'umami. Ça, c'est une sorte de goût, t'as le sucré, le salé, mm-hmm. le umami. Bref, il goûte pas la viande, le panda géant, mais il est très heureux de manger seulement du bambou. Mais à l'intérieur de son corps, dans son système, il a la possibilité de manger de la viande. En fait, il serait supposé manger de la viande. Ah, oh, ouais! Dans sa carte génétique. Le gène T1R1 est là, dans ses gènes, mais ne fonctionne pas. C'est ce qui empêche le panda de goûter, d'avoir les récepteurs de goût pour le umami. Pour ça qu'il fait juste bouffer du bois. Et voilà. Crime, c'est triste quand même. Pour lui. Penses-tu qu'ils le savent? Je sais pas, je pense pas qu'ils sachent. Est-ce que tu sais, toi, ce que tu peux pas goûter? T'as pas goûté à tout dans ta vie? Mais nous, en théorie, on peut goûter. On goûte à tout. On goûte à tout? On goûte à tout. À moins que... Hey, peut-être qu'il y ait quelqu'un qui sait la même chose. Peut-être qu'il goûte pas la viande. Je sais pas, j'écoute trop la télévision parfois, mais c'est pas grave. Continuons. Tes émissions, ils ont l'air bonnes. malgré le fait qu'ils avaient des preuves par ADN de la part du suspect, la police allemande n'a pas réussi à poursuivre un voleur de bijoux de 6,8 millions de dollars parce que l'ADN appartenait, oui, à son jumeau identique. Il n'y avait aucune preuve que c'était un des deux qui était le criminel coupable. Ça ressemble à un fait qu'on a fait la semaine passée, oui, mais c'était pas effet. Le même. Il me semble que c'était pas le même. Une idée qui a été adorée par les écrivains, donc le crime parfait, on a fait des films là-dessus. Donc c'était en janvier 2009, 6,8 millions de dollars de bijoux ont été volés au Kaufhaus des Westerns, qui est un magasin sur 7 étages connu comme le Cadeway. Bref, et c'est ça, trois hommes masqués et avec des gants ont été attrapés par les caméras de surveillance en train de glisser sur des cordes à partir des luminaires du magasin. Donc ils ont réussi à éviter le système de sécurité sophistiqué du magasin. Ce soir-là, ils ont réussi à s'enfuir, mais ils ont laissé de l'ADN derrière des gouttes de sueur sur un gant de latex qui a été échappé par les gars. Ça a réussi à atteindre le plancher. La police a passé ça dans le système criminalistique allemand. Ils ont eu deux hits, mais comme c'était des frères jumeaux, ils n'ont pas pu poursuivre. Ooh. C'était pas des deux frères jumeaux qui ont participé au crime, mais un des deux. Seulement un des deux. Jumeaux, c'est ça. Dans l'ADN. Voilà. Hmm. Ensuite, comment est-ce qu'on appelle quand on fait des plantes du reboutage, boutinage, boutage, du... Là, quand du repimpage, non, c'est pas vrai. Quand tu fusionnes... deux fleurs ensemble? Non, c'est pas ça. Quand tu fais du grafting, qu'on appelle en anglais, bref. Donc, oui. À San Francisco, on a réussi à fusionner des branches de fruits mm-hmm. à des arbres décoratifs, ce qui a créé des fruits gratuits que les gens peuvent manger quand ils se promènent dans la rue, sur les trottoirs. Donc, on a couplé, si on veut, les plantes décoratives, les arbres décoratifs, pardon, à des arbres à fruits. Hmm. On a collé ça sur les arbres en faisant du grifting, que je connais pas le terme en français. Je vais le trouver. C'est presque du scrapbooking. Ouais, exactement. En français, graft. On va aller voir ça. Ah, ça va me trouver juste des affaires de bricolage, médecine, c'est là. Ça. C'est comme une greffe. On a greffé ça, si on veut. On okay. a greffé ça. Ensuite, Alan Gantz a le record du monde pour la plus longue carrière en tant que chauffeur de camion de crème glacée. Il vend la crème glacée à l'extérieur juste à l'extérieur de Boston depuis 1947. Les gens du coin le connaissent depuis 3 générations et il connaît lui-même 90% des gens par nom, de leur nom. T'imagines? Tania! Crème glacée. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est tu sais, il se prend peut-être pour le grand-père de tous ces petits-enfants-là. Oui. Et peut-être qu'il l'est, on sait pas ce qu'il fait dans ses temps morts. Paige Chenault. Oui. Paige Chenault, c'est une femme qui fait des parties d'anniversaire pour des milliers d'enfants sans-abri partout aux États-Unis. Les enfants dans des homeless shelters ou des ouais. endroits où on accueille des personnes sans-abri. Partout au pays, elle va aller faire des célébrations de fêtes. Elle va offrir des cadeaux. Donc, c'est une résidente de Dallas, Paige Chenault. En 2012, elle a fondé The Birthday Party Project, qui essaie d'amener de la joie et du bonheur aux enfants, un party à la fois. Ça a commencé avec le but de célébrer la fête de chaque enfant sans-abri au Texas, et 4 ans plus tard, l'organisation était dans 8 villes différentes aux États-Unis, dont Kansas City, Minneapolis, San Francisco, Chicago et New York. Oui, je suis pour ça. Par contre, est-ce que je peux dire que pour pouvoir faire ça, ça te prend énormément d'argent? Ben justement, c'est que chaque mois, il y a des bénévoles qu'on appelle les Birthday Enthusiasts qui vont ramasser des affaires, qui vont ramasser des dons et qui vont pouvoir après ça offrir ça aux enfants. Ouais, mais elle est partie le projet. Oui, c'est clair. Oui, à la base, probablement. Mais tu sais, les riches, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent qui vont vouloir en redonner aux autres. T'sais. Ouais, mais là... Ils sont pas tous capitalistes comme toi, tu sais. Je suis pas capitaliste, là, au contraire. C'est juste que parce que j'ai pas d'argent, justement, que je fais pas d'affaires le même. Est-ce que tu veux qu'elle fête ta fête? Non. Je suis pas sans abri. Ouais. Mais ce serait cute. Ben, rendu à 24 ans, je suis pas certaine que t'as le temps d'avoir un gros party. C'est puis un petit peu déguisé. Vas-y. C'est deux. Ensuite, un reporter journaliste nommé Vlado Tadeschi a écrit des histoires sur un tueur en série. Et on a appris plus tard que c'était lui-même un tueur en série. Il a été attrapé après avoir fourni des détails au sujet des meurtres qui n'avaient pas encore été révélés au public général. Donc, par erreur, il l'avait révélé dans une de ses histoires courtes. Oh. Et c'était pas public. Oups! Oups! Terrible. La boule que t'as dans la gorge quand t'es nerveux ou que tu pleures est une réponse de ton système au stress. Ça donne de l'expansion à la glotte. Glotte? Si on dit ça, glotte? La glotte, oui. La glotte. Et donc, ça essaie de te fournir plus d'oxygène. Ah ouais, pourtant, on dirait que ça n'enlève. Ben, c'est ça. Mais non, ça essaie, mais c'est un échec misérable. Ouais, c'est ça, finalement. Donc, on essaie de te donner plus d'oxygène à ton corps, une des réponses biologiques, et donner de l'expansion voilà, à ta glotte dans ta gorge. Ah ouais. Je vais juste m'assurer que le terme est le bon. Des fois, j'ai des doutes, puis je vais me corriger instantanément. Mais on dirait quasiment que c'est troublant. C'est bien la glotte. Ça, c'est comme la science que je te parlais cette semaine à l'extérieur des ondes. Je pense qu'on en discutait sur l'heure du dîner. Okay. La science de tomber en amour. Tu sais, oui. C'est une science maintenant. C'est rendu une science. Tout peut être une science. Tout est bon pour avoir un budget, une bourse d'études. Ben oui. Non, mais c'est fou quand même. Peut-être que ça serait sujet d'une chronique cette semaine. Peut-être. Peut-être. Exemple. Clin d'œil. Il y a une réaction chimique dans le cerveau. C'est hot quand même. C'est vraiment bien expliqué. De mardi à jeudi, entre 7h30 et 9h30. Simon le chat, un félin à bord du Royal Navy Ship The Amethyst. Ça, c'est un bateau de l'armée royale américaine. Américaine? Oui. Américaine. A reçu la médaille Deakin Medal pour galanterie. Oh. Galanterie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a protégé la nourriture du bateau d'une infestation de rats. Ah, oh, ben oui. On appelle ça Gallantry Under Fire. Eh bien, galanterie sous pression, si on veut. Incroyable. J'espère qu'ils ont donné des petits minouches après. J'espère. Là, et la première paille à boire était supposée avoir un diamètre un petit peu plus petit qu'un cure-pipe. Okay. L'inventeur était tanné d'enlever des graines de citron de sa bouche quand il buvait de la limonade. Donc la paille était juste un tout petit peu plus petite qu'une graine de citron. Voilà. pour ça. Les pépins. Bref, exactement, les pépins. Les pépins, t'as exactement raison. Donc, breveté en 1888 par un homme de l'Ohio nommé Marvin Stone. Hein? On dirait un personnage des pierres à feu. Ben oui. Donc, ça a beaucoup grandi en termes de diamètre, les pailles depuis les 30 dernières années. Les gens disent que c'est surtout à cause des milkshakes et des laits frappés épais qu'on a agrandi les pailles. Mais c'est ça, je m'en allais dire, on est loin du... de la raison première pour laquelle on les a inventés là, maintenant, c'est avec ça. Les grosses pailles à slush. Slush sont particulièrement... exactement. Donc, c'est ça, c'était juste fait pour les citrons. Cette année d'en avoir dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il n'aimait pas aussi le goût gazonné des pailles naturelles qui étaient utilisées jusqu'au 19e siècle. Donc, c'était des morceaux de gazon vides à l'intérieur et secs. C'était ça qu'on utilisait comme paille avant. Morceaux de gazon. Une sorte de gazon spécial qu'on appelle All Right Grass. Non, bon. Voilà, et c'est tout pour cet effet. Une longue chronique, là. Déjà. Longue chronique. On prend une pause. Au retour, on va continuer avec... il nous reste encore son foutu palmarès. On a Tania Esgolet de Tania et la chronique plein air du club plein air UQTR. Alors, restez là. À tout à l'heure. À tantôt. C'est fou! Vous êtes assez fou! Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki, on est lundi 2 novembre 2015, oui, le mois de novembre! Déjà! Et elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. On a 2 mois de fait, là. On a 2 mois complets de fait. On a commencé tard en septembre. Ouais, c'est vrai. C'est le 8, je pense. Le 8, ouais. Mais quand même, 2 mois, c'est bien. Sur 8, il nous en reste 6. Mais non, mais tu comprends pas, là, dans presque 2 mois. Ouais. Ça va être Noël. Ça va être Noël. Ben oui. C'est incroyable, mais. C'est vrai. Hier. Je pense que c'est hier, sur Facebook. Il y a une photo avec un lutin qui disait dans seulement 6 vendredis. 6 vendredis. Aïe, aïe. Si tu comptes le fait que des fois, je prends un vendredi congé, il en reste encore moins. Ça m'a fait capoter. J'étais là, oh my God, dans pas longtemps, il va y avoir de la neige. Ce matin, il neigeait un peu partout, hein, ailleurs au Québec. Il y a des grosses bordées de neige. Là. Il y a eu des partages de photos sur Facebook assez remarquables. Okay. Ça veut dire que ça s'en vient, là. On a mieux passer à autre chose, maintenant. On passera pas à côté, là. Non. Ça fait peur un peu. Ah, j'ai ça. Tu te rappelles, parlant de faire peur, que la semaine passée, tu nous as fait des chroniques d'Halloween? Oui. Dans Tania's Gunner and Titania. C'était le fun, hein? J'ai adoré ça. C'était magnifique. Mais là, tu vas nous revenir avec des chroniques un petit peu plus normales. Oui, bien évidemment, vu que l'Halloween est terminé, ça ne sert pas vraiment à grand-chose de continuer sur la thématique Halloween. Peut-être qu'on aura un spécial Noël dans le temps de Noël. qui sait? Oh boy. Mais oui, on retourne à la normale, tu sais, comme un peu du n'importe quoi. Pas du n'importe quoi, mais des découvertes, des sujets divers. De la variété qu'on a. De la variété, voilà. Est-ce que tu veux que je chante une petite intro normale, pas d'Halloween? Ben vas-y donc. C'est Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Nya nya nya nya nya nya nya nya. La la la la la la la la la la la la la la. And she's gonna entertain ya. C'est Tania. Hey, bon matin. Je trouve que le lundi, c'est une bonne place pour la faire au complet, ça. C'est vrai, hein? Ouais. Mais on n'a pas beaucoup de chroniqueurs le lundi, donc on peut se permettre de faire beaucoup plus de niaiseries qu'on peut se faire en temps normal. On dit vague. Vague! Voilà. Comme j'en dis, vague. Ah, c'est ça. Bref, aujourd'hui, tu nous parles de suggestions musicales, Tania. Oui, de suggestions musicales, mais surtout de découvertes musicales. Comme je le disais en début d'émission, je suis une fille qui écoute de la musique sur... C'est une fille, donc ça confirme. Oui, déjà en partant. Cool. Je suis une fille qui écoute de la musique sur plusieurs sphères différentes. YouTube, Spotify, 8-Tracks, la radio. Évidemment, j'écoute tout le temps, c'est fou. Ben oui. J'espère. J'écoute toujours le 89.1 FM, mais ça veut pas dire que je découvre pas de la musique en écoutant mon propre poste de radio. Ça veut pas dire que j'aime ça, mais j'écoute, c'est j'ai fou. J'ai pas dit ça, mais il y a toujours place à découverte. Alors en fait, ce matin, je vous propose de découvrir avec moi trois artistes que j'ai découverts au cours de la fin de semaine. T'en as fait beaucoup des choses, parce que j'ai vu la liste, puis il y en a pas mal. Il y en a trois, en fait. T'as pas passé l'Halloween en même temps? Ben, je l'ai pas passé, okay. Je l'ai fêté. Ah oui, pas pareil. Pas pareil. T'as raison. Pas pareil du tout. Ma première découverte, c'est une découverte YouTube. Donc, j'étais sur YouTube et j'écoutais certaines vidéos. Et par la suite, j'ai vu une vidéo sur la barre de droite. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, on va aller écouter à quoi ça ressemble. Et en fait, j'ai découvert Mackenzie Johnson, qui est une jeune fille de 22 ans de Philadelphie, qui fait beaucoup de reprises de chansons pop, mais aussi des pièces originales. Elle est habituellement accompagnée soit de seulement son ukulélé ou encore de sa guitare acoustique. Donc déjà en partant, le style musical est très pop acoustique ou encore indie. Indie pop même, je dirais un petit peu. Je vais pas vous cacher que dans les chansons pop connues qu'elle reprend, il y a du Taylor Swift, oui, il y a du Bruno Mars. On s'attend à ça. C'est ça, on s'attend à ça. C'est YouTube. Si tu veux te faire remarquer à un certain point, il faut que tu y ailles avec des gens qui sont connus et qui font parler d'eux, ouais, pour que ton vidéo soit quasiment liée avec leur vidéo là, quand on tape le titre d'une chanson sur marketing. YouTube. Et voilà. C'est du marketing. Elle est rendue à 275 000 abonnés sur YouTube. On le sait, sur YouTube, ça peut monter très rapidement. Mais selon le style musical qu'elle avait, je trouvais quand même que ça faisait pas beaucoup d'abonnés pour le nombre d'années qu'elle était là. Ouais. Elle est sur ce site depuis quand même 2011. Mais elle a aussi des pièces originales qui font parler dans les commentaires. Ça fait réagir et c'est ce que j'aime beaucoup. Et comme je le disais, elle est souvent très seule avec son ukulélé ou sa guitare. Donc, dans ses pièces originales, on peut la voir avec les deux styles différents. Chaque lundi, elle lance une nouvelle vidéo sur sa chaîne. Donc, que ce soit une reprise ou une chanson originale, c'est chaque lundi que vous allez pouvoir aller. C'est ça, là, comme aujourd'hui, oui, là, que vous allez pouvoir aller sur sa page YouTube et voir le nouveau vidéo. Ça va être soit, je ne sais pas à quelle heure exactement elle les poste, peut-être... On devrait actualiser la page. On devrait. Peut-être que, est-ce que ça va se faire un petit peu plus au courant de l'après-midi ou, tu sais, on ne sait jamais. Sa plus récente pièce originale qui est intitulée Human est sortie, en fait, c'est une sortie sur les gens qui sont très fermés d'esprit sur les couples homosexuels. Ah. En faisant le tour de sa page YouTube, j'en ai comme compris qu'elle était lesbienne et qu'elle a choisi de faire cette pièce-là justement parce qu'elle, elle se faisait beaucoup critiquer par rapport à ça et qu'en fait, tout ce qu'elle voulait dire, c'est que même si elle aimait une autre fille, elle était humaine et qu'elle avait aucun droit de se faire juger par rapport à ça. Ah. Et c'est pourquoi aussi j'ai décidé de parler de cette chanson-là. C'est pour l'authenticité des paroles dans ce qu'elle dit, ce qui fait ressentir aussi une, je dirais quasiment une vulnérabilité au niveau de sa voix quand elle chante. Et dans cette pièce-là, elle a seulement son ukulélé. Et en fait, je vais vous inviter à aller sur le site. Est-ce qu'on l'écoute? Ben, on pourrait l'écouter si tu l'as. Ouais. Je suis prêt, moi. OK. Donc, c'est la pièce Human de Mackenzie Johnson. Après ça, je vais vous en faire écouter une autre qui est quand même différente. Mm-hmm. Mais je veux vraiment qu'on voit l'authenticité de ses paroles dans cette chanson-là. Donc, écoutons. Human de Mackenzie Johnson à son âge. Who gave you your sense of entitlement? And who are you to tell me who I should be sleeping with? Cause it's my life. I'm not hurting anyone. You should try it sometime. To be such an asshole, 'cause you're a really big asshole. Yeah, yeah. 'Cause tearing people down for being who they are isn't gonna make them wanna change their minds. It isn't gonna get you very far. So open up your heart. Open up your mind, take a little time. We are who we are, and it's in our blood. You love who you love, you can't take that from anyone. 'Cause we're human, human. like what you hide behind. Like you're forgiven, you've got the right to judge someone just because they look different or they love someone whose private parts aren't so different. You're an asshole. God knows you're an asshole. Yeah, yeah. Cause tearing people down for being who they are isn't gonna make them wanna change their minds. It isn't gonna get you very far. So open up your heart, open up your mind. Take a little time, we are who we are. You can't take that from anyone. Cause we're human, human. Love is as natural as breathing. So open your heart like a lung. Once you give it, then you'll start receiving. We're equal and that makes us one. Because gender is not simply deal with it, stay. If your soul doesn't match, you can't pray it away. Who you are, it is black and it's white and it's gray. And it's trans and it's bi and it's neutral and gay. Why should it matter if Stacy loves Kate or Timmy loves Tommy? You date who you date. Well, it makes me uncomfortable. Fuck, you're uncomfortable. They're getting married all over the place. It's something you'll just have to face. Cause it's legal in all 50 states. Yeah, it's tearing people down for being who they are isn't gonna make them wanna change their minds. It isn't gonna get you very far. So open up your heart, open up your mind. Take a little time, we are who we are. And it's in our blood. We love you, can't take that from anyone. Cause we're human, human. You love who you love, and it's in your blood. Cause you're human. Whoa, oh, oh, I'm human, human. We're all human. Human de Mackenzie Johnson. Et comme je le disais, bien, oui, en effet, c'est une chanson qui dénonce un peu la fermeture d'esprit par rapport à tout ce qui se passe côté l'égalité des mariages homosexuels. Et évidemment, elle vient des États-Unis, donc on le sait, c'est un petit peu plus difficile là-bas. On a moins cette problématique-là ici au Québec, mais je trouvais ça quand même très, très vulnérable de sa part de poster une vidéo comme ça, d'y aller vraiment... all-in, disons-le ouais. Comme ça. Et de le dire, si jamais tu me juges pour la personne que j'aime, t'es vraiment un trou de cul. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré de la chanson. Alors, je me suis dit, pourquoi pas la partager avec vous ce matin? J'aime le bout où elle dit genre, ah, mais ça me met mal à l'aise. Ben, fuck ton malaise. Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, en vérité, tu peux pas contrôler qui tu aimes ou tu peux pas contrôler comment est-ce que ça va se passer. Alors, les gens qui se donnent le droit, en fait, de juger ça, ça a juste plus sa place en 2015, voilà. Je pense, avec tout ce qu'on a eu dans le passé et tout ce qu'on est devenu. Get over it. Exactement. Voilà. Let's get over it. Le deuxième artiste dont je vous parle, eh bien, c'est J.P. Cooper. C'est ma découverte Spotify. Ooh, de la fin de semaine. Fancy. Oui, 32 ans de Manchester au Royaume-Uni. Et c'est un artiste signé dernièrement avec Island Records. C'est très soul, mais très rythmique quand même. Son compte YouTube et Facebook ne compte pas beaucoup d'abonnés. Ce qui me surprend quand même, parce que c'est très, très bon, malgré le nombre fulgurant de vues sur ses vidéos. On dirait que les gens vont aller voir la vidéo, mais ça s'abonnera pas nécessairement à la chaîne. Est-ce que c'est parce qu'il poste pas assez de vidéos récemment? On sait que l'offre et la demande sur Internet est quand même assez très grande. Hein? Alors, est-ce que c'est un petit manque du côté marketing de ce côté-là? Je vais pas dire quoi que ce soit, mais moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup quand même de vidéos sur la page ou encore même sur son compte Facebook. Si jamais vous allez sur son site internet qui est jpcoopermusic.com, Vous allez voir, c'est quand même difficile d'avoir des informations sur son passé, au cheminement qu'il a eu. Il a tout à gagner et à se faire découvrir, surtout. Moi, je trouve que... Dès comme j'ai dit, il y a comme un petit manque sur... Faut que s'engage quelqu'un pour faire son branding. Qui est J.P. Cooper? Ouais. Tu sais, j'ai cherché sur Internet, sur Google, Facebook. Je me suis dit, la première place que n'importe qui va aller voir s'il veut entendre plus de chansons de ce gars-là, c'est sur Facebook. J'arrive sur Facebook. J'ai rien. Il y a un nom tellement commun, ça doit même pas être lui qui sort en premier. Ben oui, c'est lui, c'est lui qui sort. Ben ça sort sous le nom de musicien, là, évidemment. Ouais. Mais... Il y a tellement pas beaucoup d'informations sur le gars que j'étais comme OK. Ouais. Le son de sa musique me fait un peu penser à du James Bay, qui lui aussi, si je me souviens bien, vient du Royaume-Uni. À quelques reprises, on peut même peut-être entendre un peu de reggae. Oh. Ouais, mais je trouve ça très, très bon. Et on va aller écouter une de ses pièces les plus récentes, qui est Closer. Si je ne m'abuse, on va sauter juste le bout du vidéo au début, parce que là, c'était sur YouTube directement, alors on avait un temps de parole. Mais si on est prêt, voici Closer de J.P. Cooper. Don't you know, I wish I was closer. I'll be watching over. And if you're too small to see, I lift you on my shoulders. If you're feeling low, I hold you. I wanna be there in the morning, so I'm working through the night. And I'll be smiling at you yawning when you're rubbing those brown eyes. And if you ever need me, call me. I wanna make sure you're alright. I don't wanna be so far. You know your daddy's little soldier and your mother's handsome knight. Now don't you worry about darkness, 'cause you're carrying that light. And no shadows fall when you're around. Don't you know, I wish I was close. Like songbirds haunt the trees, 'cause when you're close to me, my worries flee from me. 'Cause when I'm with you, my feet don't touch the ground. No, I'm not a king, but when I'm with you, I feel like I'm wearing a crown. Before you, I sing. Cooper avec la pièce Closer. Si jamais vous voulez entendre encore plus de musique de cet artiste-là, eh bien c'est très facile. Vous pouvez vous rendre sur sa page YouTube quand même. Vous tapez juste J.P. Cooper dans la barre de recherche et vous allez trouver quand même beaucoup, beaucoup de pièces de sa part. Je suis sur la page en ce moment même et son album le plus récent, si je me souviens bien, est When the Darkness Comes. Alors vous allez pouvoir voir qu'il y a plusieurs pièces et ça ressemble beaucoup, beaucoup à tout ce que vous venez d'entendre. Alors, je trouve ça très bon, en fait. Oui. Le troisième artiste est le dernier mais de non, ma chronique. Le moins, c'est ça. Déjà, ben oui. C'est ma découverte 8 Tracks. pourquoi 8-Tracks? Bien, parce que j'étais sur l'application, évidemment. J'écoutais de la musique sur mon cellulaire. Et je suis tombée sur une playlist de chansons qu'on retrouve dans des films. Oui, il faut rappeler que 8-Tracks, c'est ça, c'est des playlists faites par la communauté sur c'est un ça, thème précis. Par n'importe qui à travers le monde. Donc, si jamais vous tapez n'importe quel mot, idée que vous voulez écouter, eh bien, vous allez vous ramasser avec une panoplie de playlists que vous pouvez écouter. Et dans ces playlists-là, évidemment, vous avez plusieurs chansons. Alors, moi, j'ai fait la découverte de Jonathan Clay, un artiste du Texas, qu'on a entendu, entre autres, dans un film français, mais la version américaine, qui est le film LOL. Pas la série LOL à TVA. Non. Okay. Le film LOL. Le film, Est-ce que tu sais? Tu connais pas? Non, je veux savoir. En fait, c'est un film français. Si je me souviens bien, ça avait fait le bonheur de l'Europe au grand complet. On en avait entendu parler ici aux États-Unis. On en a donc décidé d'en faire une version américaine avec Miley Cyrus. Ah ouais? Okay. Oui. Demi Moore avait joué là-dedans. Plusieurs grands artistes avaient joué dans le film, en fait. Et du côté français, la version française, on avait vraiment un band français qui chantait. Et dans la version américaine, eh bien, on a décidé d'adapter aussi les chansons à la version américaine. Mm-hmm. D'où la présence de Jonathan Clay dans le film. Qui est Jonathan Clay? Eh bien, je vais vous faire un peu son histoire rapidement. En 2007, il a été signé avec un grand... une grande firme de managing au Texas, et après seulement 5 mois, tout a complètement été détruit. Les promesses qu'on avait faites, la compagnie elle-même, tout s'est effondré. Alors, il y a eu vraiment beaucoup de difficultés à s'en remettre, et c'est après ça qu'est venu le temps de se reconstruire musicalement. Je vous dirais que on n'en entend plus beaucoup parler, en fait. La dernière activité sur son Facebook date de 2014. Mmh. Même chose pour sa page YouTube. Mais sa musique vaut grandement la peine d'être écoutée. Il y a plusieurs pièces. Je vous dirais que les pièces sont différentes aussi. Je vais vous en faire écouter deux. Je pense qu'on a le temps. On a-tu le temps? Oui, on a. OK. Je vais vous en faire écouter deux. Je vais vous faire écouter un extrait qu'on a entendu dans le film LOL. Et après ça, je vais vous faire écouter une autre chanson qui est complètement différente. Je vous dirais quasiment qu'il y a des sons de blues dans la deuxième chanson, tandis que dans la première, c'est aucunement la même chose. Est-ce que c'était seulement pour une commande du film qu'on a fait ça de cette façon-là, ou c'est tout simplement pour le style acoustique? C'est peut-être juste ça, en fait. Parce que tu demandes à un artiste de faire une chanson pour un film, puis tu lui dis « Fais pas ce que tu fais normalement, fais-moi une touche de blues. » Exactement. Ouais. Tu sais, son genre lui-même est décrit comme acoustique rock, alors tandis que l'extrait qu'il a joué dans le film, je dirais plus que c'est quasiment du acoustique pop. Mm. Alors, vous allez voir la différence entre les deux pièces que je vais vous présenter, mais la première qu'on va écouter, c'est celle qui joue dans le film, et c'est « Heart on Fire » de Jonathan Clay. I'm falling in, I'm falling down. I wanna begin, but I don't know how to let you know how I'm feeling. I'm high on hope, I'm reeling. I won't let you go. Sparkling eyes, I've been crazy for you all this time. I won't let you go. Now you know. Heart on Fire de Jonathan Clay. C'est bon, ça? Ben oui, c'est la chanson que je vous disais qui est quand même différente un peu de l'autre chanson qu'on va entendre. On en parlait un petit peu. Est-ce que c'est seulement une chanson qui a été écrite différemment de son style habituel pour le film? On sait pas trop, mais moi, j'aime beaucoup cette, cette chanson-là. Et il y a plusieurs de ces chansons qui jouent dans le film. Alors, j'ai un petit penchant pour Jonathan Clay. Oui. On va continuer à en entendre une autre chanson, Gypsy Woman. Mais t'as fait une découverte pendant qu'on écoutait la chanson. Oui, je voulais te dire ça. Ben oui. Savais-tu que la voix de Miley Cyrus dans la version américaine de LOL, le film, c'est Catherine Brunet? Et savais-tu que Catherine Brunet est la voix officielle en français de Emma Stone et Jennifer Lawrence? Ben non, je savais pas ça. Ben, Colin, que je l'aime. Pourtant, on écoute des films, tu sais, des fois, on va écouter des films en français. Oui, mm-hmm. Ça nous arrive. Puis, on reconnaît pas tout le temps les voix, justement. Alors, de savoir que c'est Catherine Brunet, pas que ça me surprend, mais je suis contente. Ça donne envie de les regarder. Oui, exactement. Pour moi, bon. C'est pour ceux qui ne savent pas, Catherine Brunet est une Charlotte. Des actrices, oui, qui a joué Charlotte, qui a aussi joué dans Ramdam. Mm-hmm. Watatatao. Watatatao. Plein de choses. Le Chalet. Oui. À Vrac TV. Mm-hmm. Donc oui, on aime ça. On aime ça, apprendre ça. Mais c'est le fun. La deuxième chanson qu'on va entendre de Jonathan Clay, je pense que je vais vous laisser la juger vous-même. Je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu plus blues quasiment. C'est la pièce Gypsy Woman. Je veux juste avertir, Mathieu, tu vas devoir sauter à 21 secondes. Excellent. Et puis, bien en fait, j'ai juste le goût de vous dire que ma chronique se termine sur cette chanson-là de Jonathan Clay parce que je la trouve excellente. On écoute ça? On écoute ça. Assemblage requis. Attends un peu, je pense que je sais ce qui se passe. Attends un peu. Attends un peu. Ça. Ça. Ah. J'étais prêt pour ça. I got a gypsy woman with ebb and flow just like the sea. Everything she wants, everything she wants, everything she wants. All she knows I give her. I got a gypsy woman hanging low over my head. Oh, I got a gypsy woman laying beside me in my bed. She knows I'll give her. Gypsy Woman de Jonathan Clay. Est-ce que tu vois ce que je disais quand que je disais les deux chansons sont complètement différentes? Oui. Mais en ayant un petit quelque chose, je pense que c'est la voix qui a ça. Oui, la voix, évidemment. Je dirais peut-être la guitare aussi. Ouais, peut-être un petit peu. Mais je trouvais que ça faisait un petit peu plus blues, mm-hmm, rock, tandis que l'autre chanson est pas mal plus pop. Pop rock, mettons. L'autre, c'était clairement fait pour une trame sonore de film. Exactement, c'est ça. Ça paraissait. Ça paraissait, mais Jonathan Clay, très, très le fun dans les oreilles. Voilà. C'était trois découvertes musicales de ta part, Tania. Oui. Tu me postes ça sur Facebook. C'est déjà fait. Tania, c'est connu. On fait ça tous les jours de semaine à Assemblage Rocky. Prochaine chronique, TQ. Oh, TQ, demain. Un beau petit Q, c'est. Peut-être qu'on va parler de voyage. Oh. OK. Peut-être. On retient ça. On retient ça. Merci Tania. Hey, merci Mathieu. On prend une pause. Au retour, on a la chronique plein air du club plein air UQTR. Oui, UQTR. Oui. Ainsi que son foutu palmarès à venir pour le reste de l'émission. Restez là. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce lundi 2 novembre 2015 avec Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui. Tu sais, Tania, on est rendu au mois de novembre, déjà, qui commence là. Déjà. Tu sais, et une tradition qu'on a à Assemblage Rocky, c'est de toujours parler des événements qu'ils ont eu pendant le mois. Oui. Sauf que je sais pas si tu te rappelles, mais on n'était pas en onde du mois de mai au mois d'août. J'ai un vague souvenir, ouais. Tu te rappelles de ça? Donc, on va retourner en arrière, un petit flashback. Voici son foutu palmarès. Ah, tu veux une autre chronique qui a une intro de 40 secondes, c'est comme je les aime, j'aime ça de même, c'est ça. Donc, c'est son foutu palmarès, c'est la chronique dans laquelle on fait une liste sur un sujet plus ou moins précis, et comme je le disais juste avant l'intro, donc il y a 12-13 ans environ, on n'a pas fait de ce genre de chronique-là depuis le mois d'avril. C'est vrai. Donc, on a plein de temps à rattraper, et on va célébrer tous ensemble, en rafale, les fêtes qu'on a manquées depuis le mois de mai. C'est cool, ça? C'est très cool. Donc, au mois de mai. On va y aller avec le 3 mai. C'est la journée mondiale de la liberté de presse. Oh. Les Nations Unies ont lancé cette fête-là pour reconnaître le rôle d'une presse indépendante et libre dans une démocratie. Hmm. Donc, c'est le 3 mai. Le 4 mai, on sait, c'est la journée de Star Wars pour May the 4th be with you. On savait ça? Ah, mon Dieu, hey, je savais pas. Tu savais pas ça? Le 6 mai, par contre, ce que ça va être triste d'avoir manqué, c'est la journée où il n'y a pas de devoir. Hein? Mais j'avais pas de devoirs, j'avais fini en théorie. T'avais fini tes cours, ben, tu voilà. Vois, c'est ça. Donc, tu fais pas tes devoirs, c'est la journée du 6 mai. Le 8 mai, c'est la journée Fintastic qui donne une voix aux requins. C'est Whale Times Inc. et Shark Research Institute qui sont partenaires pour faire parler des tueries de requins. Évidemment, on tue des requins tout le temps. Ben oui. Donc, ça a fait que la population requin a descendu entre 75 et 90% dans plusieurs écosystèmes. Cool. Le 9 mai était la journée nationale des trains. Et hey, ça, c'est hot quand même. 8e journée nationale annuelle des trains. Ça célèbre cette journée-là. On appelle le Golden Spike qui a été conduit à Promontory Summit en Utah pour connecter en se connectant au Central Pacific et Union Continental, ce qui a créé. Je comprends pas trop ce que ça veut dire. C'est comme un pays de train. Ouais, je la comprends pas trop long. Il y a 1776 miles de chemin de fer. Ouais. C'est fou. Ensuite, le 13 mai, c'était la journée où on donnait son salaire d'une journée à une œuvre de bienfaisance. Hein? Ah. Donc, c'est la 14e année de suite où les travailleurs sont encouragés à donner l'argent qu'ils ont fait pendant une journée, le 13 mai, à une œuvre de bienfaisance. Et si c'est pas faisable, on t'encourage à passer ce temps-là à faire du bénévolat. Ah, ben c'est bien. Ouais. Le 16 mai, c'est célébré annuellement à l'anniversaire de la rencontre à Londres en 1763 entre James Boswell et Samuel Johnson, qui ont lancé une des relations auteur et sujet, donc l'auteur et le sujet de son livre, qui a produit la biographie Journal of a Tour of the Hebrides and Life of Samuel Johnson. Donc c'est la journée nationale de la personne qui fait les biographies, donc un biographe. Ensuite, le 18 mai, la journée internationale des musées. Célébrée depuis 1977, l'excuse parfaite pour aller visiter un musée local. Penses-tu qu'il y a plus de monde qui va visiter des musées cette journée-là? Si les musées font du marketing qui a de l'allure, j'espère bien pour eux autres. Ce serait cool quand même. Ce serait cool qu'ils se forcent un peu. Le 21 mai, la journée nationale de l'humus. Ou de l'humus, nice. Selon certains. Ça a été starté, tout ça, démarré par Sabra, la compagnie qui fait de l'humus, donc c'est un peu du marketing. Évidemment. En 2013. Le 22 mai, la journée nationale des maritimes, donc une proclamation présidentielle en 1933, voilà, a fait qu'on a commencé à célébrer cette l'industrie maritime. C'est fait pour coïncider avec une date en 1819 où le bateau américain Savannah s'est envoyé pour le premier voyage transocéanique, voilà, à la vapeur. Oui. Est-ce que tu crois qu'il y a des règles bien précises pour pouvoir partir une journée nationale de ou une journée internationale de? Ça, c'est une proclamation présidentielle, donc j'imagine que c'est plus officiel que bien d'autres affaires, comme genre la journée pas de devoir. Ouais, mais tu sais, comme la journée internationale du Nutella, là. Ouais, genre, ça, c'est la compagnie qui a décidé ça. C'est ça? Il y a absolument rien, rien d'officiel dans cette affaire-là. Le 23 mai, la journée internationale des tortues. Ah, OK. Cool. Le 25 mai, la journée nationale du tap dancing. Dans sa claquette. Ah, ben oui. Bien sûr. Et c'est finalement le 30 mai, la journée du Loomis. C'est une journée où on rend hommage à Malone Loomis. Donc c'est un dentiste de Washington DC qui a reçu le premier brevet pour un système de télégraphie sans fil en 1872, avant Guglielmo Marconi, qui a reçu le crédit lui pour avoir inventé la radio avant même sa naissance à lui. C'est drôle, c'est un dentiste qui a inventé ça. Ouais. Ça a c'est avec ça qu'on faisait du morse, non? Les télégraphes, c'est pour... c'est une bonne question. Je sais que c'est pour envoyer les télégraphes, mais pour le code morse, j'ai aucune idée. Je sais pas. Ensuite, des fêtes qu'on peut célébrer au mois de juin. On rappelle qu'on rewind un petit peu parce qu'on a manqué plein de mois de fêtes à célébrer. Donc, on veut faire un seul gros party qui regroupe tout ça. OK. À assemblage requis, OK? On se comprend là-dedans. On verra avec la journée des beignes, le 5 juin. On a manqué ça. C'est annuellement le premier vendredi du mois de juin, fondé en 1938 pour rendre hommage au rôle de ce gâteau. Pendant la Première Guerre mondiale, les membres de l'armée du salut, qu'on appelait les Donut Dollies, distribuaient des beignes aux soldats pour augmenter leur ration. Plusieurs années plus tard, pendant la Grande Dépression, l'armée du salut a créé une fête pour se rappeler de ça et a encouragé les levées de fonds en donnant des beignes de papier symboliques en échange de dons. C'est cool. Mais de nos jours, on célèbre avec des vrais beignes, bien sûr. Tim Horton doit s'en lécher les doigts. Tellement. Le 6 juin, la journée nationale du yo-yo. Ah, oh, ouais. Célébré lors de l'anniversaire de Donald F. Duncan. Parlant de Duncan, de Bang. La compagnie Duncan Toys a aidé à populariser le yo-yo. Ça existait déjà depuis des milliers d'années, mais Duncan leur a donné une résurgence aux États-Unis. Le 12 juin, la journée nationale du jerky. Cette fameuse viande sèche que j'aime vous pouvez acheter au... Beaucoup trop cher au dépendant. Pas mal n'importe où, ouais. Le triple du prix, à peu près. À station d'essence. Mais c'est parfait quand t'es en auto. Ah oui, ça se prend bien d'une main. Ouais. Donc, 4e journée annuelle pour célébrer cette collation sèche, fête commanditée par le Wisconsin Beef Council. Le 13 juin, journée nationale du jonglage, célébrée par tout le monde, partout dans le monde. Partout dans le monde, ça disait c'est la journée mondiale, j'ai dit nationale. Ouais. En jonglant des affaires. Le 14 juin, la journée mondiale du don de sang. Une fête créée, évidemment, pour amener un petit peu plus de gens à donner leur sang, bien sûr. De donneurs. Allons-y avec le 18 juin. C'est la journée de la récré au travail. OK. Donc, on prend une récré, on prend une pause et on s'en va jouer dans des jeux. Dans un parc, peut-être. Malade. C'est bon pour la santé. Le 21 juin, la journée du skateboard. Go Skateboarding Day. Fondée par l'International Association of Skateboard Companies en 2003, ça coïncide avec le solstice d'été. Okay. On commence à faire du skate. 25 juin, la journée nationale de la poignée de main. Pourquoi pas? Ben oui. Il y a un petit article sur l'étiquette des poignées de main sur assemblagerequis.com. C'est cette journée-là qu'il faut amener le plus de Purell possible avec nous. Tellement. Le 26 juin, amenez votre journée au. Pardon, c'est la journée d'amener votre chien au travail. Célébrée depuis 1999, une journée qui est supposée encourager les gens à adopter des animaux de compagnie directement de la Société de protection des animaux. Voilà, donc on va les amener au travail. Est-ce que tu crois que ton boss va accepter juste parce que tu dis que c'est la journée internationale de amener ton chien? Jamais de la vie. Faut que tu crèves un œil, je pense. Pour. D'après moi, ouais. Hein? Ouais. Le 28 juin, c'est la journée des chalets en bûche, en bois de bûche. En bois rond. En bois rond. Donc, événement célébré à chaque année le dernier dimanche du mois de juin dans le Michigan. Avec une série de vieilles festivités old school et donc c'est ce qu'on fait le 28 juin. Cool. Ensuite, on passe au mois de juillet. Hein, mm-hmm. Avec évidemment la fête du Canada, le 1er juillet, bien sûr. Ensuite, le 2 juillet, c'est le jour de la mi-chemin du calendrier. Ah! En 2015. C'est la croix, mais quand même. 3 juillet, c'est le début de l'été et du chaud, des chauds jours de l'été. En anglais, on appelle ça Dog Days of Summer, qui faisait référence à une période de l'été où Sirius, l'étoile chien, donc dans le ciel, se levait à tous les jours à la même heure que le soleil. Même si les deux événements s'alignaient à partir de ce moment-là, ça se fait plus de façon parfaite de nos jours. C'est quand même le jour qui est donné à cette journée-là, Dog Days of Summer. C'est les jours les plus chauds de l'été entre le 3 juillet et le 11 août. Ensuite, allons-y j'en saute plein, là. On essaie de faire seulement les meilleurs. Là. Non. On vient avec le 18 juillet. Tiens. 18. C'est la journée nationale du Woolly Wagon. Ouh! On célèbre ce symbole-là des années 40 et 50 avec les voitures avec du contreplaqué à ses côtés. Là. Cool. Les voitures qui passaient sur les routes avec du contreplaqué. 19 juillet, la journée... Ouais, je voulais dire, tu peux pas le passer sous silence, celui-là. Il faut que tu le dises, le 19. Oh boy! Le 19, c'est la fête préférée de tous. On peut encore en profiter quelques jours. Là. Ça ferme très bientôt, les shops de crème glacée. Mm-hmm. C'est la journée nationale de la crème glacée. C'est le Sunday. C'est célébré le troisième dimanche du mois de juillet. Notre nouvelle fête préférée. Ensuite, le 21 juillet, c'est No Pet Store Puppies Day. Plusieurs chiens vendus dans des magasins de chiens viennent de Puppy Mills, donc des places où on élève des chiens. C'est super ingrat et super pas correct du tout pour eux. Donc, selon la Société de protection des animaux, etc. Selon la ASPCA aux États-Unis, on a inventé donc la No Pet Store Puppies Campaign, une campagne qui est faite pour réduire les activités des chenilles de chiens. Allons-y avec le 24 juillet, la journée nationale de raconter une vieille blague. Ouais. On sort les vieilles blagues. T'as la plupart du temps, c'est eux les plus plates, hein, aussi. Et mes préférés aussi. 26 juillet, la journée des parents. Ah, je savais pas que ça existait. Ouais, t'as la journée, la fête des pères, la fête des mères et la fête des parents pour tout le monde. Et ceux qui ne sont pas juste père ou juste mère. Ou... Ouais, cool. 30 juillet, la fête nationale du Chili Dog. Le dernier jeudi du mois de juillet, c'est votre chance annuelle de déclarer votre amour pour cette bouffe américaine qu'on appelle le Chili Dog. Et c'est aussi, en même temps, le même jour, la journée internationale de l'amitié, selon les Nations Unies. Ah, je savais pas. Chili Dog, ça a l'air bon, avec du fromage râpé dessus. Là. Puis du chili dans un pain hot dog, c'est quand même pas mal juste ça, finalement. Ensuite, on va aller avec le mois d'août. On va arrêter sur le mois d'août après. Commençons par le 2 août, c'est la journée des sœurs. Les sœurs comme dans ta sœur, et non pas les sœurs religieuses. OK. On se comprend. Le 3 août, c'est le début de la fête des psychiques, des médiums, si on veut. Mm-hmm. Clairvoyants, diseuses de bonne aventure. Diseurs. Ben oui. De bonne aventure. Le 5 août, la journée des sous-vêtements. OK. OK. Donc, on a fondé chez Fresh Pair la journée nationale du sous-vêtement le 5 août 2003. Maintenant, il y a des événements partout au pays pour encourager 80% des gens qui ont porté le même style de sous-vêtement toute leur vie de peut-être faire un petit changement. Mais est-ce que c'est seulement dédié aux gars? Parce que là, sur la photo, il y a juste des sous-vêtements d'hommes. Fresh Pair, ils font les deux. Ils font femmes et hommes. Donc, j'imagine que c'est pour tout le monde. Ah, je vois. Freshpair.com, le nom, leur site web. Le 7 août, la journée nationale des phares. OK. En 1989, lors du 200e anniversaire de l'acte qui s'appelait « An Act for the Establishment and Support of Lighthouse Beacons, Buoys and Public Piers ». Donc, un acte pour établir et soutenir les phares, les symboles lumineux qui disent aux bateaux quoi faire. Ces signaux-là. C'est plein de synonymes. Je vois pas la différence entre un « lighthouse », un phare. Ouais. Beacons, qui est un signal en tant que tel. buoys, qui est les petites bouées qui font à peu près la même chose. En tout cas, bref, c'est une loi qui est du Congrès américain. Mathieu, qui a été décrétée le 7 août. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu passes au 10 août. T'as pas le choix. Attends un peu, là. Laisse-moi faire le 8 août avant. Okay, la journée vas-y. Les journées fais des le enfants. Les journées des enfants du milieu. Entre le plus vieux et le plus jeune frère ou sœur, t'as l'enfant du milieu. C'est ouais, mais important, ça fonctionne juste si vous êtes trois. Oui, mais c'est important de célébrer ça le 8 août. Oui, très important. En tout cas, le 9 août, la journée du vice-président. Là, tu passes au 10 août. Ouais. C'est la journée des s'mores. La recette d'origine publiée par un chef scout, Loretta Scott Cruz. Scott Crew, pardon, c'est une femme. En 1927, et on appelait ça Some Mores. Donc, j'en veux encore un peu plus. Some Mores, c'est devenu les S'mores. Ça a été publié en 1927 dans le livre Tramping and Trailing with the Girl Scouts, la recette d'origine en 1927. Je savais pas que c'était Some Mores avant. Some Mores. Le 12 août, c'est la journée officielle des vinyles, déclarée en 2002 Vinyl Record Day. On suit ça à l'anniversaire de Thomas Edison qui a inventé le phonographe en 1877. Ensuite, le 16 août, la journée nationale des manèges, Roller Coaster Day, oui, voilà, célébrée à l'anniversaire du premier brevet pour un manège, Richard Knudsen et J.G. Taylor en 1878. C'était un design en bois à l'époque. Le premier manège n'avait pas été construit avant quelques années plus tard, par quelqu'un d'autre complètement, mais le brevet leur appartient. 19 août, journée nationale de l'aviation. En 1939, Franklin Delano Roosevelt a fait une proclamation présidentielle numéro 2343, ce qui a fait le 19 août la journée de la fête de Orville Wright. C'est devenu donc la journée nationale de l'aviation. 21 août, la journée nationale des poètes, donc une journée pour célébrer la poésie. Qui est compensé trois jours précédemment, le 18 août, par la journée de la mauvaise poésie. Ah! Bad Poetry Day. Ensuite, allons-y avec le 26 août, la journée de l'égalité des femmes, célébrée lors de l'anniversaire de la célébration du 19e amendement qui a empêché la discrimination lors du droit de vote, pardon, la discrimination pendant les droits de vote. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Par rapport au genre de la personne. Ça coïncide aussi avec la journée nationale des chiens. Voilà. Okay. C'est tout pour le mois d'août. Il nous reste septembre, octobre et novembre et ça va avoir plus de sens lorsqu'on va faire ça parce qu'on sera pas aussi loin derrière. Mm-hmm. Au moins, c'est plus récent. Septembre, octobre, novembre dans la prochaine chronique de Son Foutu Palmarès. On prend la prochaine pause et au retour, c'est la chronique plein air du Club plein air UQTR avec Catherine Langlois. Restez là. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki en ce lundi 2 novembre 2015 est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Absolument. Et une semaine sur deux, on a quelqu'un de plus le lundi qui s'ajoute en fait à toutes les semaines. Sauf que l'autre semaine, c'est David Ferron, c'est moins important. C'est pas vrai. C'est une blague. Il nous écoute en plus, je sais. J'aime ça faire des blagues aux gens qui nous écoutent. Mais oui. Non, l'autre personne, l'autre semaine entre les deux, celle qu'on accueille pour la chronique du Club plein air UQTR, c'est Catherine Langlois. Attention, on va descendre la côte. Bonjour Catherine Langlois, ça va? Ben oui, ça va bien, et toi? Oui, merci d'être avec nous pour une deuxième chronique. Ben, ça fait plaisir. Tu nous as pas abandonné après la première comme j'aurais pensé. Ben non, ça a pas marché. Ah, on a tellement essayé de faire des mauvais gags, de parler de caca la semaine passée pour se débarrasser de toi. Ah, oh, ben oui, c'est en fait, vrai. C'est elle qui a parlé de caca. Ben c'est ça, c'est moi qui avais commencé de toute façon, là. T'essaies de te débarrasser de nous autres, c'est ça que tu fais? Peut-être. On va quand même continuer la session ensemble. Donc, on parle de plein air pour le Club plein air UQTR chaque deux semaines. C'est ça, exactement. Donc, le comité UQTR, là, notre local, il est situé juste à côté de la bibliothèque, au deuxième étage, là, du côté d'Albert-Tessier. Derrière le grillage, c'est sinon. Ça, c'est ça, le fameux grillage là, qu'on se demande c'est quoi quand c'est pas ouvert. Oui. Envoyez-leur pas des petits nananes à travers le grillage. Ils sont pas là. S'il y a un grillage, ils sont pas présents.

Oui. Je vous le recommande. On suit tes aventures sur la page Facebook UQTR. T'as dit que t'allais poster tes petites photos de ton road trip. Oui, ça va se faire là, par un photographe officiel. Et des photos toi pendant la chronique aussi, je pense, au début. Oui, je pense aussi. J'ai eu la chance de me faire photographier. Antoine Noël, photographe du Club plein air aussi. Exactement. Et on te retrouve dans 2 semaines? Ben oui. Toujours les lundis matin à 9h pour notre chronique du Club plein air UQTR. Page Facebook, c'est UQT'AIR. Exactement. Donc, c'est ça. Puis, de toute façon, vous allez voir pour tout ce qui est des photos et des liens là, de ce que je viens de parler par rapport au camping hivernal, ça va également être mis au courant de la journée. C'est génial. Merci beaucoup, Catherine Langlois. Ben, c'est un plaisir. Bonne semaine. Toi aussi. Merci. Nous, on va terminer l'assemblage requis là-dessus. C'est déjà la fin de l'émission du lundi. N'est-ce pas qu'on a eu du plaisir avec seulement oui. Catherine Langlois? On n'a personne d'autre à remercier aujourd'hui. C'est vrai. Tout à fait. Autre que nous-mêmes. Ben nous-mêmes, toi, Tania Baudin. Ben merci, Mathieu Plante. Demain, l'émission mardi, on aura la chronique du journal Zone Campus à 8h30 avec Louis-Philippe Quentin. Et à 9h, la chronique dans les coulisses de la 8 avec Gabriel Béhoud. On va parler du match qui a lieu ce soir, 20h, des Oranges contre les Verts à la Chasse-Galerie. Soyez-y. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui à 11h, il y a Dîner de cons avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, les Délirantes, une nouvelle émission de variété. À 14h, la rediffusion de Rock Classique. 19h, le Voyage Insolite. 20h, Rock de Neurones. Donc, on passe pas mal du rock toute la journée entre 14h et 22h. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerocky.com pour les notes de l'émission, les balados-diffusions. On se quitte avec une pièce de The Paper Kites. Ben oui, The Paper Kites, qui est aussi une nouvelle entrée depuis seulement 2 semaines, si je me souviens bien, au palmarès C'est fou, du côté anglo. Alors, c'est Electro Indigo. Et on se quitte là-dessus. Bonne journée, Tania Baudin. Bonne journée, Mathieu. À demain. Bonne... Trouble.